at starlight, shining in your eyes, or is your heart on fire again? I have felt the flames until immune I've become. Disillusioned by love, inescapable fate. I know it's coming. I'll be waiting. I hear the sound of the rain. The sound of the rain, and angel's face, fragile emotion, fights monsters made from fairy tale tales. So unexplored, while this dragon's been slayed again and again. I know it's coming. I'll be waiting. I hear the sound of the rain. Sound of the rain. Stronger, just molder he does when the rain comes again. Just molder he does when the rain comes again. I know it's coming. I'll be waiting. I hear the sound of the rain. The sound of the rain. The sound of the rain. The sound of the rain. To the Surgeon General as Felix, and seems to know him from way back. Only Riordan got in that night. The other two drove to a town near Lexington, where they knew a croaker to get fixed before they were immobilized for lack of junk. Without a Bye. petit animal, comme un petit animal. Comme pour beaucoup d'autres, le punk rock arriva à mes oreilles via les Sex Pistols. Nous étions en 1980 et j'étais en seconde année de lycée. Cette année-là, un de mes frères était parti pour l'université sur la côte ouest de Floride, où il découvrit un genre musical qui ne se pratiquait pas dans ma ville natale, comme dans beaucoup d'autres endroits. Je faisais alors typiquement partie des jeunes de 14 ans en proie à la folie des dinosaures, écoutant Black Sabbath, Blue Oyster Cult et du rock classique plus ancien comme Hendrix, Cream, King Crimson et Jethro Tull. Je suis allé à mon premier concert cette année-là pour voir Nazareth et Ozzy Osbourne. Extrait de Going Underground de George Urshela. Dance with what to be got to be. Well, I be like dancing. Don't you know you're free? Deux hommes le saluèrent. Grand sourire, l'air franc du collier, on vient en ami. Mix inspecta la route. Une berline verte garée en travers bloquait une chose bleu clair, trop brillante pour être un morceau de ciel à travers les sapins. Il entrevit un éclair de lumière qui se refléta sur une peinture métallisée et pigea d'un coup. Bakersfield, le rancard avec les mecs qui avaient eu besoin de temps pour trouver l'argent. Le coupé laqué bleu qui avait essayé de le coincer sur la route une minute plus tard. Mix sourit. Copain, copain, l'air franc du collier. Le doigt sur la détente. Cadrage du sac d'os. Mal Lunsford, pied plat du poste de Hollywood. Il venait toujours reluquer les patineuses au drive-in de Scrivener et il ne se gonflait la poitrine pour bien montrer ses médailles de tireur au pistolet. Le gros lard plus proche dit... L'avion est prêt. Il attend. Mix fit pivoter le fusil de chasse et lâcha ses coups en arc de cercle. Grolard se ramassa la chevrotine et décolla, couvrant Lunsford et l'envoyant valdaguer au sol en arrière. Les dos mouillés s'arrachèrent en débandade. Mix rentra dans la chambre au pas de course et entendit la fenêtre arrière qu'on défonçait. Il vira le matelas, comme des canards à l'arrêt, deux hommes et trois cartouches de triple zéro qui entrent en contact. Extrait de LA Confidential de James Ellroy. Thank you. 15 octobre 2013, le gouvernement américain a accepté de breveter des gestes, rapporter une gadget. Oui, des gestes. Un geste de la main censé désigner quelque chose d'important ou quelque chose auquel on tient. Le fait de faire un cœur avec ses doigts. Un brevet déposé par Google pour faciliter le fonctionnement de ses lunettes, les fameuses Google Glass. Faire un tel geste devant ses lunettes sera reconnu par l'appareil et déclenchera une fonction comme faire une photo et la mettre en favori par exemple. Un moyen d'indiquer simplement qu'on apprécie l'objet, le service ou la personne qu'on a devant soi. Un autre geste répertorié par le brevet consiste à dessiner un cercle du doigt pour sélectionner une partie du paysage que l'appareil prendra en photo et isolera. Un autre encore consiste à dessiner un cadre avec ses doigts pour prendre une photo. Because of you, there's a song in my heart. Because of you, our romance had its start. Because of you, the sun will shine, the moon and star will say you're mine forever and never to part. I only live for your love and your kiss. is paradise to be near you like this. Because of you, my life is now worthwhile, and I can smile because, all because of you. Of you, the sun will shine, the moon and stars will say you're mine forever and never to part. And I only live for your love, and your kiss is paradise. Like this, because of you, my life is now worthwhile, and I can smile because of you. All because of you, baby, baby. All because of you. Because of you. Les instructions de Google Glass comportent d'ailleurs plusieurs types de gestes particuliers qui déclenchent des fonctions, à l'image du réveil avec la tête, consistant à lancer sa tête vers le haut pour rallumer le système. Mais nul ne précise si, quand vous vous endormez, le système s'endort également. Nicolas Carr, qui a annoncé travailler un nouveau livre, The Glass Cage, Automation and Us, qu'on pourrait traduire mot à mot par les lunettes cage, l'automatisation et nous, mais on lui préférera la cage de verre. L'un des défis des dispositifs comme les Google Glass est l'absence d'interface. Nos ordinateurs ont des claviers et des souris, nos tablettes et smartphones sont tactiles. Mais comment envoyer des instructions à un ordinateur quand il prend la forme de simples lunettes ? Comment déclencher des fonctions ? Comment déplacer ses mains, sa tête, son regard, lui parler ? Les lunettes disposent d'un capteur de mouvement, mais à quoi réagit-il ? Il y a plein de manières de secouer la tête ou de faire des gestes des doigts. Lesquels saura-t-il reconnaître ? La victime était gardée sur une table d'acier en chambre réfrigérée. Les criquis l'ont vue séparément. Ils l'ont l'un et l'autre identifié comme étant Jean Elroy. Erwin a pris officiellement leur déposition et raccompagné les criquis à El Monte. L'adjoint aux empreintes a retrouvé Alinen et Lawton devant le bungalow des Elroy. Il était 16h30, il faisait toujours chaud et humide. Le bungalow était petit, construit en bois couleur bordeaux et en galets de rivière. Il était placé derrière la maison des criquis, à l'extrémité d'une arrière-cour mitoyenne. La cour s'ornait de palmiers et de grands bananiers autour d'un bassin de pierres cimentées. Les deux maisons étaient situées au coin sud-est de Maple et Bryant. Le domicile des Elroy avait une adresse sur Maple Avenue. La porte d'entrée faisait face au bassin et à l'arrière-porte des criquis. Elle était vitrée à claire-voie sur un cadre de bois. Il manquait un panneau près du trou de la serrure. La porte ne pouvait plus se verrouiller, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Alinen, Lawton et l'adjoint aux empreintes sont entrés dans la maison. L'intérieur était surchargé. Deux minuscules chambres à coucher à côté d'un salon étroit, une cuisine où on n'avait pas la place de s'asseoir, un coin petit déjeuner et une salle de bain. La maison était propre et bien rangée. Rien ne paraissait en désordre, les lits de la victime et de son fils n'étaient pas défaits. Ils ont trouvé un verre dans la cuisine, partiellement rempli de vin. Ils ont inspecté les tiroirs dans la chambre de la victime et découvert quelques papiers personnels. Ils ont appris que la victime travaille à AirTech Dynamics, 2222 Figueroa Sud, LA. Ils ont appris que l'ex-mari de la victime s'appelait Armand Elroy. Il habitait au 4980 Beverly Boulevard, LA. Son numéro de téléphone était Hollywood 38700. Ils ont vu que la victime ne possédait pas de téléphone personnel. L'adjoint aux empreintes a passé à la poudre le verre de vin et quelques autres surfaces susceptibles de retenir des traces de doigts. Il n'a obtenu aucune empreinte résiduelle valable. Extrait de Ma part d'ombre de James Elroy. Run, run. truth all of the time. Everyone is telling the truth all of the time. Well, it's just that times change. Everyone is telling the truth all of the time. Everyone is telling the truth all of the time. Well, it's just that times change. Progrès vers l'autonomie réelle, qui est la condition de l'instauration des mécanismes constitutifs d'un champ scientifique autoréglé et autarcique, se heurte, dans le cas des sciences sociales, à des obstacles inconnus ailleurs. Le conservatisme reconverti est le produit de stratégies de reconversion idéologique que l'avant-garde de la classe dominante tente d'imposer aux autres factions en instaurant un nouveau mode de production du discours dominant sur le monde social. Au petit producteur artisanal s'est substitué une entreprise collective rassemblant dans une confrontation organisée, colloques, commissions, comités, etc., des agents qui occupent, souvent simultanément, des positions éloignées dans le champ de la classe dominante. L'effet d'objectivité que produit le lieu neutre résulte fondamentalement de la structure éclectique du groupe qu'il rassemble. Le discours neutre est le discours qui s'engendre naturellement, entre guillemets, dans la confrontation d'individus appartenant à différentes fractions. On assiste ainsi à la multiplication des institutions de ce type, chargées d'organiser le travail de la classe dominante sur elle-même, qui est nécessaire pour assurer la conversion et la reconversion collective. Développement d'institutions de recherche économique directement subordonnées à la demande bureaucratique ou d'instituts d'opinion publique. École du pouvoir, comme Sciences Po ou l'École nationale d'administration, où le discours dominant est soumis à la rationalisation que suppose un enseignement rationalisé. Véritable lieu neutre réunissant des dirigeants éclairés et des intellectuels réalistes, entre guillemets, les écoles du pouvoir légitiment les catégories de pensée et les méthodes d'action produites par l'avant-garde de classe. Elles transmettent aux futurs dirigeants l'expérience que la classe dominante a accumulée au cours des conflits historiques du passé. Tiré de Pierre Bourdieu, le champ scientifique, en juin 1976, dans la production de l'idéologie dominante. And it left me Des gens, la conception d'un enfant n'est probablement rien d'autre qu'un simple processus biologique. Moi, je pense que d'une certaine façon, un nouveau-né choisit ses parents pour les traits de caractère et les valeurs dont il aura besoin de s'imprégner au cours de sa vie. C'est comme ça que 23 ans avant d'échouer au coin de Sevens et d'Alvarado, j'ai vu en John Michael Killis et Peggy Nobel deux êtres magnifiques, mais instables, qui feraient des parents parfaits pour moi. D'un côté, l'excentricité, la créativité et les penchants contestataires de mon père. De l'autre, l'amour universel, la chaleur et le courage inébranlable de ma mère. Un mélange de qualités optimales. De gré ou de force, j'ai donc été conçu le 3 février 1962, par une nuit de neige, dans une petite maison au sommet d'une colline à Grand Rapids, dans le Michigan. Anthony Kiedis, Scar Tissue. she bought insane. Harriet Brown, what a lovely name, such a lovely. En fait, mes parents étaient tous les deux des rebelles, chacun à leur manière. La famille de mon père avait quitté la Lituanie au début des années 1900 pour s'installer dans le Michigan. Anton Kilis, mon arrière-grand-père, était un petit gars baraqué, pas causant, qui dirigeait sa maisonnée d'une main de fer. En 1914 est né le dernier de ses cinq enfants, mon grand-père, John Alden Kilis. Brillant coureur à pied, il a fréquenté le lycée de Grand Rapids où sa famille s'était installée. À l'adolescence, il rêvait de devenir crooner comme Bing Crosby et il écrivait des nouvelles remarquables. Le mode de vie très strict des Kilis, défense de boire, de fumer ou de jurer, ne lui a jamais posé de problème. Anthony Kilis, Scar Tissue. Oh, の肩に鳩が一羽足跡を残す。緑色の髪が身が頬を上げて船でする。私も連れておくれ緑の楽園へ。ドゥドゥ。 Son chemin a croisé celui de Molly Van Den Veen, une très belle femme d'origine à la fois anglaise, irlandaise, française et hollandaise. J'ai découvert récemment qu'elle avait aussi un peu de sang mohican, d'où mon intérêt pour la culture amérindienne et le concept de mère nature. Mon père, John Michael Kiddis, est né à Grand Rapids en 1939. 4 ans plus tard, ses parents divorçaient et c'est chez mon grand-père, employé dans une usine de tanks en plein effort de guerre, qu'il est allé vivre avec sa sœur. Anthony Kiddis, Scar Tissue. John, when it gets, that part continues, I'm going to go off on my own deal, but you keep doing your thing. You got the money, you bend them, you bend them. Dar inunivar. Si cette mutation n'est pas maîtrisée, le chômage augmente en même temps que la production et la croissance élargit le fossé entre riches et pauvres. On l'a observé pour la première fois dans l'histoire du monde aux États-Unis au cours des années 1920. La crise, qui éclata avec le krach de Wall Street en novembre 1929, s'est manifestée par la baisse des cours des matières premières, l'effondrement du marché agricole, une énorme diminution de la production industrielle et le dépôt de bilan de plus d'un millier de banques. Les dégâts s'étendirent ensuite aux autres pays développés qui comptèrent bientôt plus de 35 millions de chômeurs dépourvus de toute ressource, alors que s'amoncelaient des montagnes de vivres que, faute de clients, on détruisait pour maintenir les cours. Puis ce fut la guerre, transformant les chômeurs en soldats et en morts. Elle fut suivie d'un répit qui ne dura que 30 glorieuses années. Extrait de l'économie distributive, Marie-Louise Dubois. Thank you. mountain's call with the lion man, he said. 20 miles from the airport is the promised land. The night in Detroit, he perfumed my ear. Coming to my spot, you got nothing to fear. I'm inside the postcard, and soon I can smell the spell of the motel. John Alden s'est remarié, au bout de quelques années, ses enfants ont retrouvé une vie plus normale. Mais sa tyrannie était sans limite. Papa devait travailler dans l'entreprise familiale, une station-service, puis un fast-food, interdiction de jouer avec ses copains, de veiller tard, de boire ou de fumer. En plus, sa belle-mère, Eileen, fervente adepte de l'église réformiste hollandaise, le forçait à assister à l'office 5 fois dans la semaine, 3 le dimanche. Ses contraintes l'ont ensuite dégoûté de toute religion organisée. Anthony Kiedis, Scar Tissue. There's more to living than I know so far. More than a wanderlust and an old guitar. It's more than a search for thrills, buttons, bows and fancy frills. More than a young man at an empty bar. It's more than a crowded street where thousands pass but no one meets. It's more than a circus show. There's more to living than I know. There's more to living than I know. I feel like a disco ball. I feel like a disco ball, reflecting what surrounds me. I shine when it's light, feel broken when I fall. And very funny, and I don't know. So anyway, I put it there because I still, as much as I want to explain the occult and let people know how normal it is, I still love the sensationalism and the darker aspects. I can't sure, help. Why not? It well, you know, that whole element serves to create an energy that fills a room, especially during ritual. And that's a necessary part of getting our heads kind of out of the mix and really into it. So whatever it takes, I guess. Will not come off. beyond, very far. This is beyond. This is beyond. This is beyond. Very far. This is beyond. This is beyond. Is this the final exorcism of an obsession? In the obsession, so clean of the past and its errors, shall we take new roads? We shall take new roads. Look lost, last night, tearing and loathing, crashing without you. To the church of tomorrow, death is the martyr of beauty. Look, here is our runic creed. Pretty female, as you may understand, a mind being bound for rambling into some foreign land. She dressed herself in sailor's clothes, or so he does appear, and she hired with a captain to serve him for a year. The captain's wife, she bang on vultures in an angry joy, to see her husband out in cage, such a handsome cabin boy. And now and then she'd slip in a, and she would have liked to toy, but it was a captain found as a secret of the handsome cabin boy. Her cheeks they were like roses, her hair all in a curl. The sailors often smiled and said, you look just like a girl. But eating all the captain's biscuit, the colour did destroy, and the west did swell of pretty nails, a handsome cabin boy. One night among the sailors was a fearful flowering row. They tumbled from their hammocks, for their sleep it did destroy, and they swore about the growling of the handsome cabin boy. Oh, doctor, dear, oh, doctor, the cabin boy did cry, The time has come, I am undone, and I will surely die. The doctor came a-running and a-smiling at the fun. To think a sailor lad should have a daughter or a son. The sailors, when they saw the joke, they all did stand and stare. The child belonged to none of them, they solemnly did swear. The captain's wife, she says to him, my dear, I wish you joy. For these eyes that you on me's betrayed the handsome cabin boy. Then each man took his tot of rum and drank success to trade. Likewise to the cabin boy, who was a neither man nor maid. And hopping the world don't try again our sailors to destroy. And he's hoping for a jolly lot more like the handsome cabin boy. À 14 ans, il a fugué en prenant un bus pour Milwaukee, où il passait son temps à resquiller dans les cinémas et à savourer la bière proposée gratuitement dans les brasseries de la ville. Il a fini par retourner à Grand Rapids, où il est allé au lycée et a rencontré Scott St. John, un bon à rien plutôt beau gosse qu'il a initié à la petite délinquance. Le récit de leurs exploits me déprimait toujours. Ils collectionnaient les échecs. Un jour à la plage, ils se sont mis en caleçon pour se fondre dans le paysage, histoire de tirer un portefeuille. Mais un témoin les a vus. La police a lancé un avis de recherche contre deux types en boxeur. Ils se sont fait coincer et ont passé l'été en prison. Anthony Kiedis, Scar Tissue. It's late. Don't you think that I should go? No, we were just starting to talk now. It was just getting good, don't you know? But if I leave here in the morning, yeah, what will the neighbors tell your wife? Well, my wife knows me by now, so there's no need to let the neighbors run my life, no. No need to let the neighbors run my life, no, no. Well, it would look suspicious, and I know why they wanna know. They love my wife, but oh, they don't want her hurt, and so if that's all they see, I wouldn't blame them. Let them go and tell my wife, 'cause my wife should know me by now. So there's no need to let the neighbors run my life, no, no. No need to let the neighbors run my life, no, no. Here we are down the street, here we are hand in hand. Yeah, so? You're close to me, won't people misunderstand? That's fair, yeah, they could. If that's all they see, I wouldn't blame them if they go and tell my wife. But my wife should know me by now, so there's no need to let the neighbors run my life. No, no need to let the neighbors run my life. No, no. Yourself off yet? It's only in your head you feel left out or looked down on. Just do your best, do everything you can, and don't you worry what they tell themselves when you're away. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. Hey, you know they're all the same. You know you're doing better on your own, so don't buy in. Live right now, just be yourself. It doesn't matter if it's good enough for someone else. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright, alright. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything'll be just fine. Everything'll be alright, yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just try your best, try everything you can, and don't you worry what the bitter hearts are gonna say. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything'll be alright, alright. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything'll be just fine. Everything'll be alright. Yeah, I was discussing various other occult organizations with my friend Kayla, who is one of the mid-ranking, or she says mid-ranking, I would think higher-ranking members of the OTO in Vegas. Okay. And I asked her about the Temple of Set, and she goes, "Oh, those guys are fun." And I love that. Some of them are. That's true. Yeah, and I loved that. I loved that attitude. Yeah. Incroyablement belle, elle avait les yeux il est-il solennellement, il était comme ça. Cascader dans les mots. Quand il sera vieux, qu'il ressemblera à Robert Mitchum. Et question de lui, il ne clamera pas de soucis. No suicide, comme il dit. No suicide. Personne, non personne. Alors que Scott et Jack, comme on l'appelait à l'époque, faisaient les 400 coups à Grand Rapids et dans ses environs, Peggy Nobel menait une vie en apparence bien réglée. Petite dernière d'une famille de 5 enfants, c'était une vraie beauté du Middle West, brune, toute menue, jolie comme un cœur. Elle était très proche de son père, employé de la compagnie téléphonique Michigan Bell. Elle l'a toujours décrit comme un homme adorable, affectueux, gentil et drôle. Elle était moins proche de ma grand-mère, une femme brillante, très indépendante, mais particulièrement respectueuse des conventions et assez stricte en matière de discipline. Sans doute un peu aigrie, en fait, d'avoir dû abandonner ses études à l'université pour une vie de secrétaire de direction. Elles se disputaient souvent, toutes les deux, car la rébellion de ma mère empruntait des voies atypiques. Fascinée par la musique noire, elle écoutait presque uniquement James Brown et les artistes de la Motown. Elle était aussi amoureuse du meilleur sportif de sa classe de lycée, un garçon noir. Plutôt tabou ce genre d'idylle dans le Middle West de 1958. Anthony Kiedis, Scar Tissue. La rivière de l'amour parfait doucement collait sur les pierres au soleil de minuit. Une nuit, les chansons comme des à travers les monts et les mots demandaient leur chemin, un chemin. Tu hésitais sur le bord du secret au flot d'or et tu courais. Et d'erreur marchait vers un palais, le palais. Il suivait l'étoile du jour, l'astre son retour. Il dansait au-dessus de la mort. Et toi, depuis toujours, tu jouais dans la cour du palais. Les rivières de l'amour parfait doucement collaient sur les pierres. Soleil de minuit, une nuit. L'orgie parisienne, où Paris se repeuple. Ô lâche, la voilà, dégorgée dans les gares. Le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité sainte, assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie. Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà les maisons sur l'azur léger qui s'irradie et qu'un soir la rougeur des bombes étoila. Cachez les palais morts dans des niches de planches. L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. Voici le troupeau aux roues des tordeuses de hanches. Soyez fous, vous serez drôles étant hagards. Tas de chiennes en rute mangeant des cataplasmes, le cri des maisons d'or vous réclame. Volez, mangez. Voici la nuit de joie aux profonds spasmes qui descend dans la rue. Ô buveur désolé, buvez. Quand la lumière arrive intense et folle, fouillant à vos côtés les luxes ruisselants, vous n'allez pas baver sans geste, sans parole dans vos verres, les yeux perdus au lointain blanc. Avalez pour la reine aux fesses cascadantes. Écoutez l'action des stupides hoquets déchirants. Écoutez sauter aux nuits ardentes les idiots, râleux, vieillards, pantins, laquais. Ô cœur de saleté, bouches épouvantables, fonctionnez plus fort, bouches de puanteur, un vin pour ces torpeurs ignobles sur ces tables. Vos ventres sont fondus de honte, ô vainqueur. Ouvrez votre narine aux superbes nausées, trempez de poison fort les cordes de vos coups, sur vos nuques d'enfant baissant ses mains croisées, le poète vous dit, ô lâche, soyez fou. Parce que vous fouillez le ventre de la femme, vous craignez d'elle encore une convulsion qui crie, asphyxiant votre nichée infâme sur sa poitrine en une horrible pression. Syphilitique, fou, roi, pantin, ventriloque, qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques? Elle se secouera de vous, hargneux pourri. Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles, les flancs morts, réclamant votre argent éperdu, la rouge courtisane au sein gros de bataille, loin de votre stupeur, tordra ses poings ardus. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauve renouveau, ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, la tête et les deux seins jetés vers l'avenir, ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes, cité que le passé sombre pourrait bénir, corps remagnétisé pour les énormes peines, tu rebois donc la vie effroyable. Tu sens sourdre le flux des vers livides dans tes veines et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants. Et ce n'est pas mauvais. Les vers livides, ne gêneront pas plus ton souffle de progrès que les strix n'éteignaient l'œil des cariatides ou des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés. Quoique ce soit affreux de te revoir couverte ainsi, quoi qu'on ait fait jamais d'une cité ulcère plus puant à la nature verte, le poète te dit « Splendide est ta beauté. L'orage te sacra suprême poésie. L'immense remuement des forces te secourt. Ton œuvre bout. La mort gronde, cité choisie. Amasse les strideurs au cœur du clairon lourd. » Le poète prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits, et ses rayons d'amour flagelleront les femmes, ses strophes bondiront. Voilà, voilà, bandit. Société, tout est rétabli. Les orgies pleurent leur ancien râle aux anciens lupanards. Et les gaz en délire aux murailles rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards. Extrait de la rubrique Précédents judiciaires du journal américain de psychiatrie du 10 mai 1984. Spécialiste de droit comme psychologue criminel, continue d'accorder un intérêt considérable au cas de Martin Michael Plunkett, reconnu coupable en février de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans le comté de Westchester, New York. Condamné à 4 peines successives d'emprisonnement à vie et actuellement détenu préventivement à la prison de Sing Sing, Plunkett, 36 ans, n'a présenté aucune défense devant le tribunal. Agissant comme son propre avocat, il a soumis au juge un acte rédigé devant notaire et devant une salle de tribunal bondée, il a répété sa déclaration écrite mot pour mot. Le 9 septembre 1983, j'ai assassiné Madeleine Behrens et Richard Liggett. Le couteau que j'ai utilisé pour le meurtre est enveloppé dans un sachet plastique et enterré à l'angle sud-ouest du lac de Huguenot Park, non loin du croisement de North Avenue et de Eastchester Road à New Rochelle, New York. Le 10 septembre 1983, j'ai assassiné Dominique D'Annunzio et Rosemary Cafferty. La scie que j'ai utilisée pour les démembrer est enveloppée dans un sachet plastique et enterrée au pied d'un sycomore en face de la bibliothèque municipale de Bronxville, New York. Ceci est la première, seule et unique déclaration que je ferai concernant les crimes dont on m'accuse, ainsi que tout autre crime que l'on me suspectera éventuellement d'avoir perpétré. Extrait de Un tueur sur la route, James Ellroy. vibrar. No me gustan los hippies ni los paranjas. Te odio, yo no quiero ir a la India, papá. Te odio, yo no quiero ir a la India, papá. Te odio, yo no quiero ir a la India, papá. Solo quiero vivir en un mundo real, lleno de colores, destellos de metal. Un mundo que no sea natural, lleno de radiación nuclear. No quiero escucharte, lo siento, papá. Solo me interesa girar y girar entre las luces de una gran ciudad. No volver a la India jamás. Solo quiero vivir en un mundo real, lleno de colores, destellos de metal. Un mundo que no sea natural, lleno de radiación nuclear. Bailar, vivir, no quiero ver a la gente morir. Bailar, beber, no quiero ver a la gente sufrir. No quiero filosofar sentado en la orilla, pero el canje es pasar. Paso de la salvación, si tengo que decir no a la perdición. No quiero filosofía, solo quiero ver a mis tías. Hare Krishna, no me vas. Paso de los marajas. Get on top. Entre alors en scène Jack Kidis de retour d'un petit séjour en tôle dans l'Ohio pour cambriolage. Comme Scott, son acolyte, moisissait en prison dans le comté de Kent après un job en solo, mon père s'est rendu seul un soir de mai 1960 à une fête organisée à East Grand Rapids. Il explorait les lieux quand il aperçut au bout d'un couloir une petite fée aux cheveux bruns, chaussée de mocassins blancs à franges, comme une indienne. Immédiatement sous le charme, il a joué des coudes pour la rejoindre, mais elle s'était envolée. Il l'a cherchée toute la soirée sans obtenir plus que son nom. Au bout de quelques jours, il est allé sonner chez elle, vêtue d'une veste sport et d'un jean repassé, un gros bouquet de fleurs à la main. Elle a accepté de l'accompagner au cinéma. Deux mois après, la veille du 35e anniversaire de mariage de ses parents, et avec leur permission, Peggy, 17 ans, épousait Jack, 20 ans. Scott St. John était témoin du marié. Un mois et demi après, le père de Peggy mourait de complications liées à son diabète. Quelques semaines plus tard, le mien commençait à tromper sa femme. Anthony Kiedis, Scar Tissue. Levitation. Yo, I could do that. Mais cette réflexion, pour le moment, ne nous fournit qu'une seule notion, celle de l'absurde. À son tour, celle-ci ne nous apporte rien qu'une contradiction en ce qui concerne le meurtre. Le sentiment de l'absurde, quand on prétend d'abord en tirer une règle d'action, rend le meurtre au moins indifférent et par conséquent possible. Si l'on ne croit à rien, si rien n'a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n'a d'importance. Point de pour ni de contre, l'assassin n'a ni tort ni raison. On peut tisonner les crématoires comme on peut aussi se dévouer à soigner les lépreux. Malice et vertu sont hasard ou caprice. Extrait de L'homme révolté, Albert Camus. Sit in the trees, watch the people below. I do not care if they come or they go. My baby, she hold me, she say, oh no, no. My baby, she hold me, she say, oh no, no. My baby, she say, she don't want me to leave her. I say, hold on, woman, I got a dream to give up. I sit on a limb, watch the world pass by. So high, I can't tell if they laugh or they cry. My baby not proud, she said, please don't go. My baby not proud, she said, please don't go. Please, you're here in the cloud, and I got to believe her. I must have a bad case of treetop fever. Sunshine or whether it's snow. My baby, she called me from way down below. My baby, she called me from way down below. My baby, she said, I just got to relieve her. If she climb or not, she get a treetop fever, fever, fever, fever, fever. She got a fever. She got a treetop, treetop, treetop, treetop, treetop, treetop fever. She got a treetop, treetop, treetop, treetop, treetop, treetop fever. She got a treetop fever. She got a real old fever. She got a treetop, treetop, treetop, high low. I don't know what kind of fever my baby gets.